Ça fait. Agis ou ferme ta gueule. Agis ou ferme ta gueule. Agis ou ferme ta gueule. Agis. On est que de passage. Ils m'ont vu gentil, mais des fois je suis pas sage. Je fais le décrassage, j'essaie de tourner la page. M'en rappelle sale comme ce calibre qui a servi à trop de mains, à trop de massacres. Toi tu es un faux, je me souviens de toi. J'ai grandi comme un homme dans ce bloc 23. Je traînais devant le bendo, j'ai jamais eu besoin de toi. Tellement pute, ça faisait pas la part tout le temps sous le même toit. J'aime le bout du vroom, vroom de ma caisse. Ils me font passer pour un voyou à chaque fois sur la presse. Après ils veulent que ça pèse, que je dis je vois que ça blesse. Je vois que ça pèse, il aime ça le jeune de la tête. Et toi me teste pas, j'en ai dans la testa. J'écris mal les questions, 2 ans 6 disques d'or. Et toi dis-moi question. Et toi, dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Et toi, dis-moi qu'est-ce qu'il y a? Je suis d'humeur bestiale, toi, tu sens les vestiaires. Tu veux me faire la bise, tu as tourné ta vestiaire. Je l'ai vu grandir, il me calcule pas, il est fier. Je veux faire bien pour tout le monde, mais je suis pas l'abbé Pierre. Tu veux me faire du mal, eh ben vas-y. Je suis prêt comme ce soldat au Hazi. Les petites camputes à la Yamakasi cache-leur dans les couilles ou dans la Hazix. Ils suivent pas le move, ils veulent me test, moi j'attends. Et si je pars, Nicolas Sol, on se retrouvera là-haut. Tu me cherches, tu me trouves, le soir tard, je suis à la pente. Le machin vers la boîte à gants, ouais, bande de connards. Quand on ne sait pas, frérot, oui, on ferme sa gueule. Déçu de voir qu'il y a trop d'acteurs. On agit, nous, on parle pas. On dit vrai, nous, on ment pas. Ok, laisse-moi voler, faut que je m'en sorte. Je prends le rap de voler, ils me font passer pour un franc-maçon. Hey, ouais, motherfuck, toi, t'es mort et tes fausses informations. Hey, ouais, va sur ma page, like, hein, si t'aimes pas, c'est pareil de façon. Je suis passé du foot au rap, merde, maintenant je me sens si seul, ma soeur. Cette année, je les choque, je plaque pas, non, je vais dédicacer ces lâcheurs. Et je rigole pas. Les petites maintenant veulent venir des braqueurs. Tu entends le bruit des pas, mélangé au moteur du Pfizer. Oh. Ils suivent pas le move, ils veulent me test, moi j'attends. Et si je pars, Nicolas Sol, on se retrouvera là-haut. Tu me cherches, tu me trouves, le soir tard, je suis à la pente. Le matin vers la boîte à gants, ouais, bande de connards. Quand on ne sait pas, frérot, oui, on ferme sa gueule. Déçu de voir qu'il y a trop d'acteurs. On agit, nous, on parle pas. On dit vrai, nous, on ment pas. C'est du doodle sur Skyrock.